Joseph Sabiyabandi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Sanganiro. C'est le moment de suivre le journal par la langue française. Donc voici les principaux titres. Le président de la République refuse d'accorder l'immunité provisoire aux personnes impliquées dans le coup d'État manqué du 13 mai 2015. Une requête de ce genre lui avait été adressée au mois de février. Vous entendrez dans ce journal la réaction du porte-parole du président de la République. Et le monument du tambour burundais n'est plus anti-Mevalan Sakaje. C'était en ce dimanche à l'âge de 82 ans. Son parcours, c'est dans ce journal. Alou Tovu, un voleur de renom de l'ethnie Twa, a été tué par la population ce dimanche. L'association Deba Twa Inuproba dénonce une justice populaire. Et à Gatumba, un bus de transport en commun est tombé hier soir dans une embuscade. Bilan, un blessé. Voilà pour le sommaire. Le facilitateur Benjamin Mukapa a adressé une correspondance au mois de février au président de la République demandant l'immunité provisoire pour des personnes impliquées dans le coup d'État manqué du 13 mai 2015, poursuivi par la justice. Au niveau de la présidence, l'on indique que le président de la République n'a pas le droit de dessaisir la justice en faveur des personnes poursuivies. Jean-Claude Kalegwa, le porte-parole du président, indique que les personnes poursuivies doivent répondre de leurs actes devant la justice. Suivez Jean-Claude Kalegwa au téléphone avec Placide Niyomungé. La correspondance était vaste, mais la lettre insistait surtout sur deux aspects, entre autres demander que certaines personnes poursuivies par la justice burundaise soient autorisées à participer au dialogue inter-burundais au moyen d'une amnistie provisoire. Et la lettre aussi demandait certaines clarifications, certains éclaircissements sur le refus du gouvernement du Burundi de participer à la dernière session de dialogue qui s'est tenue à Arusha. Quelle a été la réponse du président de la République? Le concept d'immunité provisoire qui est évoqué par la correspondance ne figure nulle part dans les codes et lois régissant la République du Burundi. Alors, le président de la République ne peut pas s'arroger le droit de dessaisir de la justice les personnes poursuivies pour des infractions. Il peut seulement accorder une grâce présidentielle aux personnes qui sont déjà condamnées. Et le chef de l'État donc a informé le facilitateur que cela n'est pas possible et que ces personnes peuvent peut-être être régies par la loi numéro 1/05 portant révision du code pénal et qui stipule en son article 171 que l'amnistie n'est pas du ressort de l'exécutif mais plutôt du ressort du pouvoir législatif qui a la latitude d'interdire d'exercer ou de continuer des poursuites pénales ou effacer des condamnations prononcées. Et pour le moment, le facilitateur pouvait écrire à quel organe si ce que vous dites est l'immunité provisoire ne relève pas des responsabilités du président de la République? Le facilitateur n'a pas besoin d'écrire à quel organe que ce soit. Le facilitateur a seulement besoin de lire entre les lignes les lois régissant la République du Burundi et de tenir en considération les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc pour le moment, on peut dire que la correspondance reste classée mais sans effet pour l'immunité provisoire pour ces poursuivis. Bon, la correspondance n'est pas classée sans suite parce que la correspondance d'abord a trouvé une réponse, la correspondance a suscité d'autres points de discussion, mais pour ce qui est de l'immunité, vous comprenez vous-même que le président de la République ne peut pas donc accorder cette immunité sollicitée par la correspondance parce qu'il risquerait d'être accusé de haute trahison. Il est le garant de la loi, de ne pas violer la loi dont il est supposé être garant. Donc la présidence reste sur sa position que les personnes poursuivies doivent être traduites devant toujours la justice. Oui, effectivement, la présidence de la République reste cramponnée sur cette position. C'est la position du peuple burundais qui s'est exprimé par le verdict des urnes et personne n'a le droit d'usurper le pouvoir au peuple. C'est-à-dire que ces personnes poursuivies par la justice devraient plutôt se présenter devant la justice. Peut-être que là, ils pourraient peut-être demander la grâce présidentielle. Jean-Claude Caligua, porte-parole du président de la République au téléphone avec Placide Niyomungere. Sur la page sécurité à nom de l'Etinutoa, originaire de Kivuo, nous sommes en commune Lutovu de la province Bururi, a été tué par la population ce dimanche. Selon la population sur place, Nakirutimana a été un bandit de renom au niveau de l'association des Batois Uniproba à Bururi. L'on parle d'une justice populaire qui risque de s'installer à Lutovu, ce qui rejette en bloc l'administration et la police. Depuis Bururi, Jean-Pierre Misago. Des sources sur place à Lutovu, confirmées par l'administration et la police, indiquent que Nakirutimana a été tué à jets de pierre et coups de bâton la midi de ce dimanche. Cet homme de l'ethnie Twa a été attrapé par des membres des comités de sécurité à la recherche des voleurs de chèvres la veille et avait déjà mis la main sur trois d'entre eux, un seul ayant passé dans les mailles du filet. Une femme qui collaborerait avec ces présumés bandits a également été arrêtée et Nakirutimana a été tué alors qu'il opposait une résistance à l'aide de sa machette et a même blessé une personne à la tête selon les mêmes sources. Patrick Chongera, représentant de l'association Unissons-nous pour la promotion des Batois en province de Bururi, dit que ce Mutois présumé voleur a été attrapé puis lynché. Pour lui, c'est une justice populaire qui se fait au vu et au su de l'administration et la police qui n'ont interpellé personne dans ce dossier, ce qui risque de pérenniser son comportement qui cible particulièrement les Batois chaque fois qu'il y a banditisme à Lutovu. Jean Daitwayeko, administrateur communal de Lutovu et la police à Bururi, parle d'une légitime défense dans ce cas, tout en indiquant être opposé à la justice populaire qui est d'ailleurs punie par la loi burundaise. L'administrateur communal de Lutovu informe qu'aucune personne n'est arrêtée parce qu'il est toi, mais que des enquêtes précèdent pour tenter de maîtriser le vol du bétail rapporté ces derniers jours sur les collines Sanzu, Luringanizo, Mutangaro et Gihanga. Il regrette cependant que le parquet de Bururi libère immédiatement les présumés bandits, ce que nie catégoriquement le procureur de la République à Bururi. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Nous disons merci à Jean-Pierre Misago. Un bus de transport est tombé dans une embuscade d'hommes armés sur la route Bujumbura-Gatumba ce dimanche aux environs de 20h. Selon le porte-parole de la police, cette embuscade a été tendue par des bandits armés qui ont tiré sur l'épiné dans l'intention de dépouiller les passagers de leurs biens. Pierre Houlquier, porte-parole de la police, indique que les militaires ont riposté et ces bandits ont pris le large après avoir échoué à leur mission. Une dame a été blessée au ventre et une autre personne ayant une crise cardiaque est tombée en syncope, mais toutes les deux ont échappé à la mort. L'élément n'est pas encore prêt, nous allons y revenir. Et sur la page transport, au moins 800 tonnes de marchandises sont arrivées ce lundi au port de Bujumbura en provenance du port de Kigoma en Tanzanie. Cela après 10 ans que cela ne se faisait pas suite au chemin de fer d'Al-Salam-Kigoma qui était impraticable. Le dit chemin de fer vient ainsi d'être réhabilité. C'est la satisfaction de la part du ministre burundais des Transports Jean Bosco Nzuenimana qui dit que c'est en plus et pour les opérateurs économiques et pour les consommateurs mais aussi pour l'État burundais car les prix vont diminuer à hauteur de 40% par rapport au transport routier. Suivez plutôt le ministre Jean Bosco Nzuenimana, ministre des Transports. Avec le transport lacustre par voie ferrée, les marchandises arrivent ici avec une réduction de 40% sur le coût de transport. Alors vous comprenez que les Burundais vont acheter des produits à moindre coût. Sinon, les marchandises qui arrivaient ici au port de Bujumbura, elles provenaient de quel port à part Kigoma? Avant la rupture du trafic sur le chemin de fer d'Al-Salam-Kigoma, les marchandises passaient obligatoirement par Kigoma à partir de Dar-Salam. Mais quand le chemin de fer ne fonctionnait pas, les marchandises provenaient de Kigoma et de Port de Murungu. Maintenant, nous sommes en contact avec les autorités zambiennes. La Zambie accepte de financer la construction du chemin de fer Kasama-Murungu pour accorder le chemin de fer sur le Port de Murungu. Vous comprenez que d'ici peu, les Burundais auront le choix de s'approvisionner au port de Durban en Afrique du Sud ou dans d'autres pays parce qu'il y aura des ramifications sur le chemin de fer Murungu et Durban. Avec la réhabilitation du chemin de fer Dar es Salaam-Kigoma, on peut dire que c'est un léger mieux pour le consommateur burundais. Oui, c'est un léger mieux parce que s'il y a réduction au niveau du coût de transport, au niveau des délais aussi, vous comprenez que les charges au niveau du transport des marchandises diminuent et ça veut dire que le consommateur achètera les produits à moindre coût. Monsieur le ministre, à quand espérez-vous pouvoir avoir un chemin de fer qui arrive jusqu'à Bujumbura? Et d'abord, je voulais vous informer que la réhabilitation du chemin de fer Dar es Salaam Kigoma, ça va nous faciliter parce que le point de départ sur la Tanzanie, c'est sur ce chemin de fer qui vient d'être réhabilité jusqu'à Musongati. Les études sont déjà terminées. On nous a envoyé les études pour faire des commentaires et observations. Quant au financement, nous attendons la fin des études. Donc, on vous précisera quand les travaux vont débuter. Le ministre des Transports, Jean Bosco Nzuinimana, répondait aux questions de Léonce Vitaliho. Le célèbre tambourinaire de Gishora en province, Gitega Antime Balansakage, a rendu son âme ce dimanche soir à 82 ans. Il venait de passer plus d'un mois dans un des hôpitaux de la capitale Bujumbura. Il avait reçu, entre autres, le prix Fokodé du bon citoyen en 2014. Toute sa vie, il a œuvré pour que le tambour sacré soit inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO. Son rêve est devenu réalité en novembre 2014. N'est-ce pas, Mireille Kanyang? Nasinyiye bose sinabavuzi b'ingoma kajyo teka ryarabanezereje yuko bateza kuzigarukanira agateka kazo zireke gupfa uko zivugicyo kuko ingoma si y'umuntu ingoma ni igihugu. La voix qui vient de s'éteindre est celle de l'icône du tambour sacré du Burundi. Antime Baransakaje a rendu son âme ce dimanche soir après des jours d'hospitalisation suite à un accident de moto. Gardien du tambour sacré d'Ogishora en commune Giheta de la province Gitega, c'est au centre du pays, l'octogénaire a parcouru le monde en battant le tambour national. De multiples voyages pour la gloire du pays qui ont fait que le tambour burundais soit inscrit au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, cette agence onusienne pour l'éducation, la science et la culture. C'était le 27 novembre 2014. Je suis allé signer pour leur respect comme avant. Jadis, ils étaient battus lors de Muganuro ou encore à l'occasion d'une visite du roi pour un mot d'ordre dans le pays. C'est là où on pouvait battre le tambour. Mais pour une simple visite, il n'invitait pas le tambour. Donc le tambour est un trésor du pays et pas pour une personne. Cette même année, c'était le 25 janvier, Antime Balansakadje a reçu le prix du bon citoyen, un prix lui décerné par le Forum pour la conscience et le développement Fokodé, en huitième de ce genre. Le vœu le plus cher à Antime Balansakadje était de multiplier la Cordilla Africana non scientifique de l'Omuvugangoma, cet arbre sacré à partir duquel était obtenu un bon tambour. Ici, nous avons cet arbre de Muvugangoma. Je l'ai tiré dans la localité située entre Rango, Muramza et Gitega. Il était un arbre très gros, quitte à ce qu'au moins 8 personnes pouvaient encercler sa circonférence. Vous ratez l'essentiel. À 13h10, nous poursuivons ce journal. Je vous le disais tantôt, une personne a été grièvement blessée dans une embuscade tendue par un groupe d'hommes armés sur la route Bujumbura-Gatumba la nuit de ce dimanche. Cette embuscade a visé un bus de transport en commun. Plusieurs objets ont été volés par ces hommes armés. La police parle d'un groupe de bandits. Aubin Nyongu pour les détails. Cette voiture de transport en commun, communément appelée bus, assurait la liaison Bujumbura-Gatumba. Elle est tombée dans une embuscade vers 20h au niveau du secteur Kigaramangu au quartier Kajaga 3 en zone Rukaramu de la province Bujumbura, comme l'indiquent certains des habitants de ce quartier. Selon les informations données par la population environnante et confirmées par la police, une personne a été touchée par les balles au niveau du ventre, tandis qu'une autre est tombée en syncope. Les mêmes sources précisent que ce groupe d'hommes armés a visé les pneus jusqu'à ce qu'ils soient crevés. Certains des passagers se sont blessés en essayant de s'enfuir en passant par les fenêtres de voiture. Certains de ceux-ci, selon les sources locales, ne seraient pas encore retrouvés par leur famille. C'était jusqu'à 11h de ce lundi. Nous disons merci à Aubin Niyonghurué sur la page éducation. Certains représentants des étudiants de l'Université du Burundi déplorent l'arrestation de leurs deux condisciples ce week-end. Ils s'inquiètent de l'arrestation qui continue alors que pour eux, leur revendication par rapport au nouveau décret institutionnel à la pré-bourse devrait être traitée académiquement et non par la police. Le porte-parole de la police dit qu'ils sont auditionnés pour tentative de rébellion à Alain Désiré Ukeyeneza. Apollinaire Bakana de l'Institut de sciences du commerce ISCO a été arrêté ce samedi au centre de la ville de Bujumbura. Ses condisciples disent que celui-ci n'est pas de la représentation des étudiants. Jean Bosco Bakanibona a été appréhendé ce dimanche vers midi au quartier 3 de Nyakabiga. Le porte-parole de la police confirme ses arrestations et précise que les deux sont auditionnés pour tentative de rébellion. Deux étudiants ont été effectivement appréhendés samedi et hier, et ils sont maintenant sous interrogatoire pour tentative de rébellion devant l'institut Abidi. Ces étudiants doivent savoir qu'en matière pénale, la responsabilité est personnelle et qu'ils sont majeurs pour répondre de leurs actes, surtout lorsqu'il s'agit des actes qui sont répréhensibles. Certains représentants des étudiants disent déplorer que leurs questions académiques préoccupent pour le moment la police. Ils demandent la libération de leurs confrères et au ministère en charge de l'enseignement supérieur de prendre en main leurs revendications. Nous savons que toute personne peut être arrêtée. Mais ce qui nous inquiète, c'est en rapport avec nos revendications. Aux élèves, aux étudiants, avant son préavis, on ne voyait pas des arrestations. Ce que nous demandons, que la question soit traitée académiquement. Pourquoi prendre la question académique et la donner à la police? D'une façon générale, d'abord nous demandons aux étudiants de rester calmes et chercher nos revendications paisiblement. Au gouvernement, nous demandons, nous fisquons le dialogue. Le porte-parole de la police, Pierre Mourikiye, considère que leur tâche revient à enquêter sur les infractions éventuelles et que les questions académiques reviennent au ministère chargé de l'enseignement supérieur. Depuis la manifestation des revendications des étudiants par rapport à la révision du nouveau décret institutionnel après bourse, 14 étudiants ont déjà été arrêtés, mais 8 d'entre eux ont été libérés. Merci à Désiré Ukeyeneza sur la page Justice. Ces 3 personnes, tous originaires de la commune Kayanza, ont été arrêtées ce dimanche avec 70 kilos de café cerise qu'ils transportaient vers le Rwanda. Ils sont pour le moment au cachot du commissariat de la police de Kayanza en attendant leur comparution en procès de flagrance. En tel commerce fraudulé et monnaie courante, ces jours-ci, 11 sacs de café ont été également saisis il y a une semaine en commune Mumba de la province Ngozi, toujours à destination du Rwanda. Et sur la page sport, la formation Ludia Ludique est toujours leader du championnat national de football en première division. C'est après avoir fait match nul contre Vitalo ce dimanche, le classico qui était attendu par le public de Bujumbura, la capitale. Le championnat de football en deuxième division était en fin du week-end dernier. En sa 6e journée, l'actualité sportive de ce lundi est signée Évariste Nzikobanyana. 3 matchs ont eu lieu samedi à l'intérieur du pays. Au stade des Peace Park Stadium de Makamba, Aigle Noir s'est imposé à domicile 2-0 contre Messager Ngozi. Au stade d'Agasaka de Ngozi, Ngozi City a battu Magara Star 3-2 au chef-lieu de la province Ruyigi. Flambeau de l'Est, qui venait de passer plusieurs journées de défaite, s'est imposé sur sa pelouse 3-0 contre Rusiz FC de Chibitoke. Ce dimanche à Bujumbura, 2 matchs étaient attendus à 14h au stade des Princes Rugo Agassori. Atletico Olympique a battu Interstar sur le score de 2-0. Le classico qui était entendu par le public de Bujumbura a opposé à 16h Vitalo et Lydia Lidic et Burundi Sport for Africa. Ce match s'est soldé sur le score d'un 1-0. Au moment où il reste 5 journées avant la fin du championnat, Lydia Lidic et Burundi Sport for Africa est provisoirement classé première avec 55 points. Atletico Olympique est deuxième avec 53 points. Vitalo est en troisième position avec 51 points. Après avoir battu Rusizi FC sur le score de 3-0, Flambeau de l'Est a avancé de 2 places. 16e et dernière du championnat. Durant plusieurs journées, cette formation occupe depuis samedi la 14e place en deuxième division. Le championnat de football était en fin de week-end en sa 6e journée. Samedi, Mososhuga de Rutana a battu les Crocos de Rumongue 4 buts à 0. Flambeau du Centre a égalisé un but partout avec Santé Sport Dakar aussi. Rumongue City a fait 0 à 0 avec Kayanza United. Unité de Muyinga a été battue à domicile 1 but à 0 par Delta Star de Gatumba. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, en Égypte, l'état d'urgence est décrété après deux attentats de kamikazes. Au Bénin, le président de la République a laissé tomber la réforme constitutionnelle qu'il avait entamée depuis quelques temps. Et en RDC, les manifestations des opposants ont été interdites par la police. Alida Ndaïkeza. En RDC, l'UDPS a appelé à une manifestation ce lundi, accusant le président Joseph Kabila d'être le principal obstacle au processus démocratique dans le pays. Aussitôt, la police a annoncé l'interdiction de tout rassemblement à Kinshasa et dans le reste du pays. BBC Afrique écrit que les organisateurs de la marche UDPS et Rassemblement ont indiqué qu'ils comptent marcher jusqu'au palais présidentiel. Dimanche, Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, a accusé le président congolais Joseph Kabila de multiplier les manœuvres politiciennes qui enfoncent davantage la RDC dans le chaos. La représentation de l'Union européenne en RDC a estimé samedi que la désignation de Tshibala comme premier ministre avait été faite contrairement à la lettre et l'esprit de l'accord du 31 décembre 2016. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi a décrété dimanche soir l'état d'urgence après deux attentats kamikazes contre les églises coptes qui ont fait au moins 44 morts. Les attentats ont été revendiqué par le groupe armé État islamique. Pour prendre effet, l'état d'urgence doit être approuvé par le Parlement. Comme on peut le lire sur RFI, l'état d'urgence donne de grands pouvoirs aux forces de sécurité en matière d'enquête, d'arrestation et de détention. Ces derniers n'auront plus besoin que d'un ordre administratif. Jusqu'à présent, le décret était appliqué qu'à la province du Nord Sinaï, où se déroule un conflit sanglant entre les forces de sécurité et le groupe État islamique. Au Bénin, le chef de l'État, Patrice Talon, au cours d'un entretien à la télévision nationale, a annoncé qu'il renonçait définitivement à sa réforme constitutionnelle. Comme réforme phare, le chef de l'État béninois prévoyait un mandat unique de 6 ans. Le mandat de 5 ans renouvelable demeure donc d'actualité. Africa Times écrit qu'interrogé sur la possibilité de se représenter une nouvelle fois, Patrice Talon a déclaré qu'il avisera le moment venu. Les députés béninois ont refusé le 4 avril dernier d'examiner le projet de réforme de la Constitution proposé par leur chef d'État. Merci à Alida Ndaïkeza. C'est sur cette actualité internationale que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi.